Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Caprice de lecture spécial frisson, car aujourd'hui nous allons parler d'un polar ou d'un thriller psychologique qui a été écrit remarquablement par un auteur qui est venu nous voir il y a un an et demi, deux ans, et qui revient aujourd'hui dans les studios de Fadjet, Stéphane Schmucker. Bonjour Stéphane. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis ravie que tu aies accepté de revenir, c'était toujours un vrai plaisir de te recevoir. C'est réciproque. Et là, tu viens aujourd'hui donc pour ton deuxième roman qui s'appelle « Les larmes noires des cigognes ». Oui. D'accord. Qui est sorti le 7 novembre 2024. Et oui, c'est la date de sortie. C'est la date de sortie. Non, parce que des fois, je dis des bêtises. Alors voilà, non, non. Là, c'est bon. Qui est sorti le 7 novembre 2024, donc après un premier roman qui avait vraiment rencontré son succès, en plus, son public. Ouais, alors tu me connais, hein, je sais. Je vais pas être. T'aimes pas. Non, et voilà, il avait marché, on va dire, au-delà de mes espérances. Ouais. Il a eu un petit succès dont je suis content, mais voilà, c'est pas non plus un livre qui à la hauteur des plus grands best-sellers, mais j'étais très content de savoir qu'il a été lu. Pour un premier, c'était bien. Ouais, c'était super. C'était bien. Alors Stéphane, comme le veut la tradition de Caprice de lecture, il va y avoir quatre grandes questions. D'accord. En fin d'émission, si tu le veux bien, tu nous indiqueras où on peut retrouver ton actualité, tes réseaux, comment te contacter, etc. Et puis, écoute, je te propose qu'on commence maintenant. Avec plaisir. Ça te va. Ok. Alors, thriller psychologique à l'état pur, Les larmes noires des cigognes nous entraînent dans une intrigue que je trouve captivante. Alors, généralement, je ne parle pas de l'intrigue et peu des personnages, ou un peu de l'intrigue et pas des personnages, parce que j'ai toujours peur de spoiler un peu l'histoire et de trop dévoiler, en fait. Donc, je reste un peu évasive, mon objectif étant de donner envie aux auditeurs d'aller voir ce livre et puis, bien sûr, de le lire. Alors, comment tu as construit ce roman, qui est un espèce de roman un peu à la poupée russe, moi, j'ai trouvé. Je l'ai construit... Donc, moi, quand j'écris, ma priorité, c'est d'avoir... mon intrigue, c'est-à-dire que c'est avant même d'écrire, il faut que ce soit dessiné voilà, dans ta tête. Il faut que j'ai le début, il faut que j'ai la fin, il faut que j'ai la plupart des grandes étapes intermédiaires. Ok, toi tu te laisses pas emmener par tes personnages et... Alors j'ai toujours la même phrase, je dis il y a 80% qui sont planifiés avant écriture et ouais. 20% qui se créent par moment à certains détours de chapitres ou d'écriture. Voilà. Ok. Voilà, et donc j'avais mon intrigue et après... le livre est découpé, effectivement, il y a des petits sauts temporels, il y a des chapitres un peu en dehors de l'histoire principale. Oui. Et pour toutes ces parties, en fait, je les ai écrits au départ séparément, comme des histoires d'un tenant. Ok, donc en fait, c'est comme si tu avais écrit plusieurs histoires. Voilà. Mais indépendantes. Mais avec l'idée qu'elles allaient être fractionnées. Tu savais à l'avance que tu allais les fractionner pour les faire pour construire ton roman comme ça. Oui, parce que moi j'aime bien ça, parce que bon, alors ça va faire un peu le mec qui se flagelle, mais j'ai pas un talent d'écriture aussi incroyable qui me permet de faire du suspense simplement avec ma plume. T'as besoin d'avoir un truc construit, carré. Voilà. Propre. Et donc en fait le fait d'alterner les époques, d'alterner les points de vue. Me permet de donner du suspense. Donc, c'est un. On va dire. C'est ta recette miracle à toi. Ouais, c'est ce que j'utilise parce que ça m'aide à créer du suspense, ça m'aide à faire que quand on termine un chapitre, on a envie de commencer le suivant ou alors on est en attente de retrouver. Oui, parce qu'à chaque fin de chapitre, on attend quelque chose, ça devient addictif en fait, on a envie de continuer, on a envie de savoir. Le fait que ce soit imbriqué comme ça, on passe un chapitre qui n'a pas forcément. De lien ou peu avec ce qu'on vient de lire, du coup on se dit je continue parce que je veux savoir. Voilà, c'est un petit peu le but. Et puis voilà, donc si on a envie de tourner les pages, si on a envie de passer au chapitre suivant, pour moi c'est le secret d'un bon polar. Tu t'es jamais retrouvé un peu trop, alors coincé c'est pas le terme, mais un peu trop, tu t'es jamais senti à l'étroit justement, quand tu dis j'ai le début, j'ai la fin, ça t'a jamais frustré? Alors non, parce qu'en fait, quand j'écris beaucoup sur l'ambiguïté. Oui. C'est-à-dire que les phrases sont... J'essaie de jouer sur ces choses. Puis des fois, t'écris un truc et puis on se dit « Ah mais si, c'était ça !» Et puis 30 pages après, on se dit « Mais non, en fait, c'est pas ça le truc !» Voilà, c'est un peu le but. Et en fait, cette ambiguïté, si je sais pas à l'avance en quoi c'est ambigu, on va dire, c'est difficile en fait d'être, d'être précis. En fait. Voilà. Donc, d'accord. Donc ça, c'est ta petite recette à toi pour construire, en l'occurrence, ce roman « Les larmes noires des cigognes ». Oui. Voilà. Où j'ai pas dit, aux éditions Prisma, j'ai oublié. Oui, aux éditions Prisma, qui est la continuité de mon premier roman. Voilà. Alors, justement, on parle un petit peu donc, de ta façon de travailler sur ce roman. C'était quoi tes sources d'inspiration? C'est-à-dire, quand tu t'es mis devant ton PC ou ta feuille, ok, tu t'es dit, je vais construire, j'ai le début, j'ai la fin, mais qu'est-ce qui t'a... ça a été quoi l'élément déclencheur? En fait, au départ, moi, je fonctionne beaucoup avec le quotidien. C'est-à-dire, je me balade dans la rue, je prends le tram, je regarde des gens. T'observes beaucoup. Ça fait bizarre de dire ça. Non, mais ça fait un peu psychopathe, mais je... Oui, voilà. Mais voilà. Apparemment, ça marche, donc... Et donc, du coup, voilà, il y a une personne qui peut avoir un comportement dans la rue qui va me donner une idée. Ça peut être un événement du quotidien. Je peux prendre un exemple concret du roman sans trop dévoiler. Oui. Un jour, il y a des artisans qui sont venus faire des travaux chez moi. Ouais. Et moi, je me suis dit, si ces artisans venaient dans une famille, dans mon livre, et qu'ils découvraient quelque chose sur lequel ils n'auraient pas dû tomber. Voilà. Et donc, là, tu es parti de ça. Voilà, ça, par exemple, c'est un des pans du livre est parti de cette idée. Mais tu observes beaucoup. Oui, j'adore ça. Ouais, bon, d'accord. Donc, je ne vais pas confirmer mon diagnostic. Mais voilà. Est-ce que tu as le temps de lire et de t'inspirer peut-être de... Alors, ce n'est pas plagier, s'inspirer, tu vois. C'est se dire, ah mais tiens, si je mettais un élément comme ça dans mon bouquin, ça pourrait le faire aussi. Alors, je pense qu'indirectement, quand je lis, forcément, je suis inspiré. Ouais. Mais en fait, je ne cherche pas chez les autres à forcément m'inspirer, mais je pense que ça découle forcément sur moi. J'adore lire des polars. Et en fait, ouais, c'est plus, je sépare un peu l'écriture et la lecture, mais je dois quand même admettre que depuis que j'écris, en fait, maintenant, quand je lis un polar, soit d'un auteur que j'ai rencontré, soit d'un copain, j'essaye de chercher comment il a créé tel ou tel phénomène dans le livre. C'est-à-dire, je sais qu'il y a certains livres, ils sont incroyablement faits parce que d'une seconde à l'autre, ils sont capables de tout faire basculer. C'est-à-dire, on est dans une situation et la phrase d'après, on se dit, mais... J'ai loupé un truc tellement c'est allé vite. Et en fait, ils sont incroyablement doués pour ça. Il y en a qui écrivent, qui ont des petites astuces pour créer le suspense qui sont magnifiques. Et voilà. Ou moi, ce que j'aime beaucoup aussi, parce que je suis vraiment une amatrice, je suis très, très fan de polar. Quel que soit le genre de polar, j'aime le polar. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est quand le polar commence par la fin. Ouh, alors ça c'est difficile. T'as le, un conseil le, de lecture livre, le livre arrive, on ouvre la page du livre, et en fait c'est un chapitre ou un prologue où on a une scène de fin. Et moi, ça me met dans un état d'addiction pas possible, parce que je veux absolument savoir où est-ce qu'on en est, pourquoi on en est arrivé là et comment en fait. C'est souvent les auteurs nordiques qui écrivent comme ça. Ils aiment bien nous... Ils aiment bien. Ils ont ce talent-là. Ils ont le talent aussi de créer une ambiance tout de suite ultra immersive. Ouais. Mais je trouve, et c'est là que je voulais en venir, quand on est amateur de polar, on a tendance aussi, on se dit, tiens, donc ça c'est découpé comme ça. Il y a quand même des... Je trouve des plans d'écriture qui sont souvent similaires. Oui, je pense. Alors après... Là, pour le coup, je suis pas la bonne personne, je pense, pour parler de ça, parce que c'est vrai que moi, j'ai pas les codes d'écriture. Donc, je fais un peu au feeling quand j'écris. Okay. Mais effectivement, je retrouve effectivement dans certains polars, effectivement, il y a une structure commune. Bon, de toute façon, quand on écrit un thriller, le but, c'est que le roman s'accélère au fil du temps. Donc, plus on avance dans les chapitres, plus le rythme devient soutenu, soutenu parce qu'on veut arriver à une situation finale qui justement va être... Et qui surprend le lecteur en se disant mais c'est pas possible, c'est pas lui, c'est pas... Voilà, exactement. Pas comme ça. Alors on va faire une première pause musicale de ton choix qui est Clara Luciani, Tout le monde sauf toi. Pourquoi ce choix, Stéphane? Alors parce que j'aime, je la connais pas, mais j'aime beaucoup la personne, je trouve qu'elle dégage quelque chose d'incroyable, je la trouve encore plus belle sur scène. Je trouve qu'elle devient quelqu'un d'autre sur scène. Donc, tu as été la voir sur scène ? Alors, j'ai été la voir dans un petit événement et je retourne la voir bientôt. Bon. J'en suis content. Et en fait, j'adore ce texte-là, particulièrement de cette chanson. J'adore le texte. Je trouve que le texte est très parlant. Et, okay. Voilà. Est-ce que c'est une chanson qui t'a accompagnée quand tu écrivais ? Elle m'a accompagné dans l'écriture au milieu de beaucoup d'autres chansons. Okay. Voilà, il y a des moments où on a besoin de musique pour écrire. Il y a aussi des moments où il faut absolument pas de musique. Du calme. Voilà, il faut du calme. Mais voilà, c'est l'une des chansons qui a accompagné l'écriture du roman. Alors on l'écoute. Tout le monde sauf toi, de Clara Luciani. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission de Caprice de lecture pour parler des Larmes noires des cigognes, édité aux éditions Prisma, avec l'auteur de ce nouveau thriller psychologique, Stéphane Schmucker. Stéphane, est-ce que ça va ? Ça va très bien. Ça va très bien. Est-ce qu'on peut donc continuer ? Ah, sans problème. Alors, Stéphane, troisième question. Il y a à peu près 3 ans qui se sont écoulés depuis L'ombre de Funambule. Ton premier roman. Oui. Tu étais venu en parler d'ailleurs il y a 2 ans, je crois déjà. Ouais, c'est ça. Hein, tu étais venu en parler. Est-ce que tu avais besoin de te retrouver avant de te lancer dans un nouveau projet ou est-ce que c'était quelque chose qui était déjà latent pour toi ? Alors, c'était latent parce que j'ai commencé à écrire, il y a un truc qui se passe, c'est que dès qu'on voit quelque chose, dès qu'on a une idée, en fait, on l'imagine en roman. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, on a des idées. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, on se dit, ah tiens, peut-être l'écrire. Donc en fait, quand le premier est sorti, c'est vrai que c'est allé assez vite pour le premier entre la décision de méditer et la sortie du roman. Donc j'ai été pris pendant quelques mois à découvrir en fait qu'il fallait défendre son livre, le présenter, le faire connaître. Ça a été dur ça pour toi ? C'est une démarche qui était peut-être inédite pour toi en plus. Ouais, en fait c'est entre les deux parce que je pense que ça s'entend, je suis quelqu'un d'assez introverti. Et du coup, ça m'a complètement sorti de ma zone de confort au départ, d'aller à la rencontre du public. Mais au final, c'est entre les deux. C'est-à-dire que ça me sort de ma zone de confort, voilà, qui m'oblige un peu à aller plus vers les gens que je ne le fais d'habitude. Mais j'y prends un plaisir dingue parce qu'en fait, j'ai rencontré tellement de personnes intéressantes qui m'ont raconté des... je sais pas, leur histoire de vie. J'ai eu des gens qui m'ont parlé de livres qu'ils avaient lus. Enfin voilà, je rencontre des gens. Ça t'a plus apporté que ça t'a créé de l'inconfort. Oui, voilà. Maintenant, voilà, c'est un plaisir. Voilà, donc je mets toujours entre guillemets dans un personnage quand je vais présenter mon livre, mais j'y prends vraiment du plaisir. Et présenter son livre la première fois. Alors tu parles de zone d'inconfort, ça je veux bien le croire, mais c'est enfin, tu devais avoir un trac fou. Alors, oui et non, parce qu'en fait, on va dire, j'ai fait une carrière dans la recherche. Et en fait, dans la recherche, tu dois présenter tes résultats régulièrement. Donc, en fait, je m'étais déjà habitué à savoir, entre guillemets, devenir un acteur d'une présentation scientifique. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais là, entre une présentation et un roman... La différence, c'est que voilà, c'est quelque chose qui nous touche personnellement. C'est-à-dire qu'on ne présente pas des résultats scientifiques. Oui, puis présente c'est un travail qui vient des tripes. Enfin, écrire un roman, ce n'est pas rien, quoi. Exactement. Donc, voilà, donc c'est un travail qui nous tient à cœur. Ouais. Et du coup, on le défend différemment. Voilà. Et dans les différents salons que tu as fait donc pour le Funambule, ou même peut-être déjà, ou tu as peut-être déjà rencontré des lecteurs qui ont déjà lu Les Larmes Noires des Cigognes, est-ce que tu as eu des retours qui t'ont vraiment touché? Alors oui, alors pour le premier... Les plus marquants pour toi. Pour le premier, y en a plusieurs. Je parle beaucoup de... J'aime beaucoup le thème de l'enfance brisée, en fait, dans mes livres. Et dans le premier livre, il y a, voilà, y a l'histoire d'une disparition d'une petite fille. Et j'ai rencontré des lecteurs qui, de près ou de loin, avaient vécu cette situation-là. Ok. Et qui m'ont fait des retours... voilà, qui m'ont vraiment bouleversé. Oui, avec beaucoup d'émotion. Oui, parce que, voilà, et après, ces retours-là, ils prennent quelque chose de particulier pour moi, parce que quand on te dit, voilà, les émotions que vous avez décrites, par exemple... On les a vécues. Pour les parents, voilà, c'est très vrai, ça nous a, ça nous a bluffé, ou ça nous a vraiment marqué. On se dit que, voilà, on a... peut-être écrit juste, et c'est un beau compliment, quoi. Ok, d'accord. Et pour Les Larmes Noires des Cigognes, est-ce que tu as déjà eu quelques retours de lecteurs? Alors, je sais que sur Facebook, tu partages souvent les retours de personnes qui ont lu le livre, etc. Mais est-ce qu'en physique, tu as déjà eu des retours de personnes? Oui, j'ai eu des retours. Là, la petite découverte, c'est que c'est le deuxième. Et donc, c'est parfois des gens qui ont déjà lu le premier. Et ça, c'est chouette. Et donc, ça fait il y a une sorte de dynamique différente qui se met en place. Et oui, c'est vrai que quand il y a des gens, je suppose qu'il y a des gens qui vont moins aimer le deuxième et plus le premier, mais là, pour le moment, j'ai des retours qui me disent que il y a des choses qui ont évolué dans mon écriture et qui font que parfois ils ont préféré le deuxième. Et du coup, ça fait plaisir parce qu'on se dit, tiens, à force de travail, à force de... Ouais. Et puis ça veut dire aussi que ceux qui ont aimé le premier viennent chercher le deuxième, donc c'est des lecteurs fidèles. Oui, alors ça, c'est une sensation inédite et incroyable quand on est en dédicace et que c'est quelqu'un qui dit, voilà, j'ai acheté votre premier et je suis venu pour c'est acheter génial. Le deuxième. Ça fait quelque chose. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais, plaisir. C'est clair. Alors, est-ce que tu envisages un jour, alors je ne vais pas te demander quand est-ce que sortira le troisième. Ne le demandons pas. Mais est-ce que tu envisages d'écrire dans un autre genre? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit, plutôt un roman sans qu'il y ait voilà, du suspense, sans que... Ben, je dirais non, pour le moment. Parce qu'en fait, je ne suis pas quelqu'un de littéraire. L'écriture n'est pas, on va dire... C'est pas inné en toi ? C'est pas inné chez moi. J'écris des polars parce que c'est une ambiance que j'aime, c'est des choses que j'aime lire. Ouais. Et je pense que pour le moment, je ne suis absolument pas prêt à faire quelque chose de correct dans un autre genre. Voilà. C'est toujours les mots que t'en veux. Que ce soit correct, que ce soit bien cadré. Oui, voilà, désolé. C'est pas grave. Non, mais parce que en te faisant parler comme ça, mais je fais ça avec la plupart des auteurs qui viennent ici, j'aime bien aussi montrer c'est quoi la personnalité de la personne qui a écrit, c'est quoi la personnalité de l'auteur. Parce que quand on ouvre un livre, on imagine, mais je pense que ça, c'est le fantasme des lecteurs ou de futurs auteurs, on dit, ah oui, mais il s'est mis avec un cahier, voilà, et puis ça, c'est le fantasme, hein, il s'est mis à écrire, ça a fait un best-seller traduit en 46 langues. En fait, c'est absolument pas ça. Fin. Non, c'est, voilà. Là, en l'occurrence, pour moi, c'est des heures et des heures de travail, des retouches continuelles sur le texte pour l'améliorer au fil du temps. C'est quoi les retouches? C'est-à-dire que tu fais des coupes ou c'est des tournures de phrases? Ça peut être les deux. Voilà, c'est ça. Ça peut être des changements de structure, ça peut être le déplacement d'un paragraphe. Ou te dire, oulala, mais j'ai mis ça là, ça n'a rien à faire là, et ça bloque complètement la suite. Voilà, ce genre, ça peut être, tiens, cette phrase-là, elle est trop parlante, donc il va falloir la moduler un petit peu pour que le suspense soit... Donc tu passes tes soirées? J'y passe, oui, alors j'en ai passé quelques nuits, mais on va dire, moi j'écris plus par période. Donc pendant un mois, je vais écrire énormément. Ensuite, pendant 2 mois, j'écrirai pas. Et ça te manque pas? Non, alors moi, je pense que je suis pas le genre d'auteur, en fait, qui a ce besoin viscéral d'écrire sur le long terme. Alors, j'adore écrire et j'ai envie d'écrire, mais j'ai pas ce besoin viscéral de le faire. Ok. Par contre, j'en retire un plaisir incroyable quand je vois une de mes histoires qui commence à se développer, à se construire et à donner quelque chose qui me procure de l'émotion. Et le fait que tu fasses des coupures comme ça, en plus, ça te laisse le temps de... On va dire de porter à maturité ce que tu as écrit, et quand il revient un mois après, t'es peut-être plus objectif que si tu faisais ça tous les jours. Enfin, dans ta construction intellectuelle, j'ai l'impression que c'est ça, tu vois. Ouais, c'est fort possible. C'est fort possible. Je pense que oui, le cerveau a eu le temps aussi de maturer les choses, et du coup, c'est peut-être plus simple d'y revenir. Ouais. Et pour Les larmes noires des cigognes, du coup, ça a été ça. Oui, ça a été ça. Avec. Quand je dis j'ai écrit un mois et j'ai pas écrit 2 mois, on est plus sur j'ai écrit 3 mois, j'ai laissé 1 mois. Mais c'est peut-être nécessaire au final. Mais voilà, et puis c'est sur une période de 3 ans, quoi. 3 ans d'écriture. Ok, donc quand le Funambule a été terminé, tu savais déjà que t'écrirais? Ou t'étais en passe, t'as peut-être rencontré quelqu'un dans le bus vu que t'observes tout le monde. Non, je plaisante. Je t'ai dit tiens, eh ben voilà. Ben... Non, alors disons, il y a eu 6 mois de promotion, et pendant ces 6 mois, il y a des idées qui me sont venues, et en fait, moi je dis toujours, j'écris pas tant que je pense pas que mon idée vaut le coup d'aller au bout. Ok. Donc pendant ces 6 mois, il y a une idée qui est venue, j'ai eu des retours de lecture du premier qui m'ont fait me dire que j'avais le droit d'écrire. Tu parles de droit, carrément. Ouais, de légitimité, je sais que j'ai pas la plus grande plume au monde, et du coup j'ai besoin aussi que... les livres plaisent, parce que sinon... Donc aujourd'hui, tu te sens plus légitime, un peu plus. C'est un grand mot. Disons que je me donne le droit de publier mes romans, voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, moi je pense que t'as raison, parce qu'il est très bien. C'est gentil. Moi, il va être proposé en bibliothèque, tu vois. Ah ben c'est Et cool. Ça va marcher, je le sais. C'est gentil. Alors, on va faire une deuxième coupure musicale, toujours avec un morceau de ton choix, de Raphaël, avec le titre « Caravane ». Oui. Tu nous expliques pourquoi Raphaël, pourquoi Caravane Alors, voilà. c'est pas forcément le titre Caravane. Bon, je l'aime beaucoup parce que voilà, il est très musical, il est très dansant, je trouve même. Mais en fait, c'est Raphaël. En fait, je l'ai découvert à mon adolescence. J'ai été, on va dire, un fan de la première heure. C'est un personnage un peu mystérieux, un peu déconnecté à la fois complètement à ce qu'il fait, à créer de la musique. Et à la fois, j'ai l'impression que parfois, il est un peu dans un autre monde et ça m'a un peu fasciné. Il entretient le mystère. Voilà. Un peu comme dans tes romans. Exactement. Tu entretiens le mystère jusqu'au bout. Exactement. Et donc, en fait, c'est un grand musicien. Il crée des musiques qui me touchent. Je dois aussi dire que j'ai découvert récemment qu'il avait écrit des nouvelles et qu'il avait écrit des très, très belles nouvelles. Je crois même qu'il a été primé. Oui. Voilà. Donc, c'est aussi un personnage que j'aime bien parce qu'il est capable d'aller sur différents sentiers. Ok, donc on écoute Raphaël et on reviendra juste après pour que tu nous fasses part un petit peu donc, de ton actualité sur les réseaux et puis si tu fais des salons et tout ça. Ça marche, d'accord, merci. Parce que j'en ai les larmes aux yeux. Que nos mains ne tiennent plus ensemble. Moi aussi je tremble un peu. Puisque je ne vais plus attendre. Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni? Je rampe comme un enfant. Est-ce que je n'ai plus de chemise? C'est le bon Dieu qui nous fait. C'est le bon Dieu qui nous brise. Est-ce que rien ne peut arriver? Dans cette caravane, mais nous partons, allez viens. Cette caravane, et nous partons, allez, viens. De lecture sur Fadjet. De retour pour cette troisième et déjà dernière partie d'émission consacrée au roman Le Larme Noire des Cigognes, donc qui a été édité le 7 novembre 2024 et écrit par Stéphane Schmucker qui est avec nous dans les studios de Fadjet pour Caprice de lecture. Stéphane, avant de te remercier pour cette très belle interview, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité sur les réseaux, blog, salon ou que sais-je encore ? Eh bien, alors j'ai un site Facebook et depuis peu un réseau Instagram qui sont tous les deux à stéphane.schmucker.auteur. Ouais. Voilà, donc ça, vous pouvez suivre. Du coup, j'y dis quand je suis en dédicace ou quand on déplace. On peut te laisser un petit message ? Ah oui, pour le moment, j'ai réussi à répondre à tout le monde. Ah, super. Et en personne. Voilà. Ça, c'est super. Voilà. Et donc, du coup, je suis aussi ravi quand on a fait un retour de lecture. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment l'essence de l'auteur. Voilà. Et sinon, comme gros événement à venir, je serai au salon Le Livre sur la Place. En septembre 2025. Voilà. C'est the place to be pour un roman. Ben, c'est un bel endroit, en tout cas, pour présenter son roman. Oui. Et je viendrai te voir. Eh ben, avec grand plaisir. D'accord. Stéphane, ce fut un vrai plaisir, parce que tu nous as aussi parlé de toi. On a un peu moins parlé du roman, mais moi, j'aime bien aller gratter un petit peu chez les auteurs, avec quelle sensibilité ils viennent nous chercher, et je trouve ça super chouette. Ben, il n'y a pas de problème. Donc, n'oubliez pas, et je vous conseille fortement Les Larmes Noires des Cigognes, donc, qui est un thriller psychologique juste incroyable, édité aux éditions Prisma. Merci à tous de votre écoute et je vous souhaite de très belles lectures en attendant notre prochain Caprice de lecture. À bientôt. Au revoir. Au revoir.